Christian gay. No, no, no. Please love me, please, Denis. You are so fine, Jean-Juan. Smoke on the water, Gilbert. Hey! C'est qui a trouvé le matos? La sono est un peu craignos, mais c'est pas un groupe de marmouses, pas des chansons pour les pissous. On a assisté aux répètes, Gilbert déjà il se la pète. Ce soir il commence de retourner.